Troisième journée, chapitre 4. Pierre roula le chariot de Marie devant la grotte, et il l'installa le plus près possible de la grille. Il était minuit passé. Une centaine de personnes se trouvaient encore là, quelques-unes assises sur les bancs, la plupart agenouillées, comme anéanties dans la prière. Du dehors, la grotte flamboyait, brasillante de cierges, pareille à une chapelle ardente, sans qu'on pût y distinguer autre chose que cette poussière d'étoiles, d'où émergeait, dans sa niche, la statue de la Vierge, d'une blancheur de rêve. Les verdures tombantes prenaient un éclat d'émeraude. Le millier de béquilles qui tapissait la voûte ressemblait à un inextricable lacis de bois mort, près de refleurir. Et la nuit était rendue plus noire par un si vif éclat. Les alentours se noyaient d'une ombre épaissie où rien n'était plus, ni les murs, ni les arbres. Tandis que, seul, montait la voix grondante et continue du gave, sous le grand ciel ténébreux, alourdi d'une pesanteur d'orage. « Êtes-vous bien, Marie ?» demanda doucement Pierre. « N'avez-vous pas froid ?» Elle avait eu un frisson, mais ce n'était que le petit vent de l'au-delà qui lui semblait souffler de la grotte. « Non, non, je suis si bien. Mettez seulement le châle sur mes genoux. Et merci, Pierre, ne vous inquiétez pas de moi. Je n'ai plus besoin de personne, puisque me voici avec elle. » Sa voix défaillait. Elle tombait déjà à l'extase, les mains jointes, les yeux levés vers la statue blanche, dans une transfiguration béate de tout son pauvre visage dévasté. Pierre, pourtant, resta quelques minutes encore. Il aurait voulu l'envelopper dans le châle, car il voyait trembler ses petites mains amaigries. Mais il craignit de la contrarier, il se contenta de l'aborder comme une enfant, pendant que, les coudes aux deux bords du chariot, à demi soulevés, elle ne le voyait plus. Un banc était là, et il venait de s'y asseoir, pour se recueillir lui-même, lorsque ses regards tombèrent sur une femme, agenouillée dans l'ombre. Vêtue de noir, elle était si discrète, si effacée, qu'il ne l'avait pas aperçue d'abord, tellement elle se confondait avec les ténèbres. Puis il devina Madame Maz. L'idée de la lettre qu'elle avait reçue dans la journée lui revint, et elle la pitoya. Il sentit son abandon à cette solitaire qui n'avait pas de plaie physique à guérir, qui demandait seulement à la Sainte Vierge de soulager le mal de son cœur en convertissant son mari infidèle. La lettre devait être quelque réponse dure, car la face baissée, elle semblait ne plus être d'une humilité de pauvre créature battue. Elle ne s'oubliait volontiers là que la nuit, si heureuse de se perdre, de pouvoir pendant des heures pleurer, souffrir son martyre, implorer le retour des tendresses disparues, sans que personne soupçonnât son douloureux secret. Ses lèvres ne remuaient même pas. C'était son cœur meurtri qui priait, qui réclamait éperdument sa part d'amour et de bonheur. Ah, cette soif inextinguible du bonheur qui les amenait tous là, ces blessés du corps et de l'âme. Pierre la sentait aussi qui lui séchait la gorge, dans l'ardent besoin de se satisfaire. Il aurait voulu se jeter à genoux, demander l'aide divine avec la foi humble de cette femme. Mais ses membres étaient comme liés, ils ne trouvaient pas les paroles nécessaires. Et ce fut un soulagement pour lui lorsqu'une main le toucha doucement à l'épaule. « Monsieur l'abbé, venez donc avec moi, si vous ne connaissez pas la grotte. Je vous y installerai, on y est si bien à cette heure-ci. » Il leva la tête, reconnut le baron Suire, directeur de l'hospitalité de Notre-Dame de Salut. Sans doute, cet homme bienveillant et simple l'avait pris en affection. Il accepta, le suivit dans la grotte, qui était absolument vide. Même le baron referma derrière eux la grille dont il avait une clé. Voyez-vous, monsieur l'abbé, c'est l'heure où l'on est vraiment bien. Moi, lorsque je viens passer quelques jours à Lourdes, il est rare que je me couche avant le jour, parce que j'ai l'habitude de finir ici ma nuit. Il n'y a plus personne, on y est tout seul, et, n'est-ce pas, comme c'est aimable, comme on se sent chez la Sainte Vierge. Il souriait d'un air de bonhomie. Il faisait les honneurs de la grotte, en vieil habitué, un peu affaibli par l'âge, plein d'une véritable tendresse pour ce coin charmant. Du reste, malgré sa grande dévotion, il n'y était point gêné. Il y causait, il y donnait des explications, avec la familiarité d'un homme qui se savait l'ami du ciel. Ah, vous regardez les cierges! Il y en a près de 200 qui brûlent à la fois, nuit et jour, et cela finit tout de même par chauffer. L'hiver, on a chaud! Pierre, en effet, étouffait un peu dans l'odeur tiède de la cire. Ébloui par la clarté vive où il entrait, il regardait la grande herse centrale, en forme de pyramide, toute hérissée de petits cierges, pareil à un if flamboyant constellé d'étoiles. Dans le fond, une herse droite, au ras du sol, maintenait les gros cierges, qui s'alignaient, d'inégale hauteur, ainsi que des tuyaux d'orgue, certains de la grosseur de la cuisse. Et d'autres herses encore, semblables à de lourds candélabres, étaient posées çà et là sur les saillies du rocher. La voûte de la grotte s'abaissait vers la gauche, la pierre y était comme cuite et noircie par ces éternelles flammes qui la chauffaient depuis des années. Continuellement, la cire pleuvait en une imperceptible tombée de neige. Les plateaux des herses en ruisselaient, blanc d'une poussière sans cesse épaissie. Toute la roche en était enduite et grasse au toucher, et le sol surtout s'en trouvait tellement recouvert que des accidents s'étaient produits et qu'il avait fallu étaler des sortes de paillassons pour éviter les chutes. « Voyez-vous ces gros-là » continuait obligeamment le baron Suire. « Ce sont les plus chers, on les paye 60 francs, et ils mettent un mois à brûler. » Les tout-petits, qui coûtent 5 sous, ne durent que 3 heures. Oh, nous ne les économisons pas, nous n'en manquons jamais. Tenez, voici encore 2 paniers qu'on n'a pas eu le temps de porter au magasin. Ensuite, il détailla le mobilier. Un orgue harmonium recouvert d'une housse. Un corps de buffet à large tiroir où l'on serrait les vêtements sacrés. Des bancs et des chaises réservées au petit public privilégié qu'on admettait là pendant les cérémonies. Et enfin, un très bel autel roulant, recouvert de plaques d'argent gravées, dont d'une grande dame, que l'on ne risquait d'ailleurs que pendant les pèlerinages riches, de crainte que l'humidité ne l'abîmât. Pierre était gêné par ce bavardage d'homme complaisant. Son émotion religieuse y perdait de son charme. En entrant, malgré son manque de foi, il avait éprouvé un trouble, une sorte de vacillement d'âme, comme si le mystère allait lui être révélé. Cela était à la fois anxieux et délicieux. Et il voyait des choses qui le touchaient infiniment, des bouquets en tas déposés au pied de la Vierge, des ex-votos enfantins, des petits souliers fanés, un petit corselet de fer, une béquille de poupée, pareille à un joujou. En bas de l'ogive naturelle où l'apparition s'était produite, à l'endroit où les pèlerins frottaient les chapelets et les médailles qu'ils voulaient consacrer, la roche se trouvait usée et polie. Des millions de lèvres ardentes s'étaient posées là, avec une telle force d'amour que la pierre s'était calcinée, veinée de noir, d'un brillant de marbre. Mais il s'arrêta, au fond, devant un creux, dans lequel était un amas considérable de lettres, de papiers de toutes sortes. « Ah, j'oubliais !» reprit vivement le baron Suire. « Voici le plus intéressant. Ce sont les lettres que journellement des fidèles jettent dans la grotte, à travers la grille. Nous les ramassons, nous les mettons là, Et l'hiver, c'est moi qui m'amuse à les trier. Vous comprenez, on ne peut les trier sans les ouvrir, car elles contiennent souvent de l'argent, des pièces de 10 sous, des pièces de 20 sous, et surtout des timbres-poste. » Il remuait les lettres, en prenait quelques-unes au hasard, montrait les suscriptions, les décachetait pour les lire. Presque toutes étaient de pauvres lettres d'illettrés, dont les adresses, à Notre-Dame de Lourdes, étalaient de grosses écritures irrégulières. Beaucoup contenaient des demandes ou des remerciements, en phrases incorrectes, d'une terrible orthographe. Et rien n'était plus touchant parfois que la nature de ces demandes. Un petit frère à sauver, un procès à gagner, un amant à conserver, un mariage à conclure. D'autres lettres se fâchaient, querellaient la Sainte Vierge, qui n'avait pas eu la politesse de répondre à une première lettre en comblant les vœux du signataire. Puis, il y en avait d'autres encore, d'écritures plus fines, de phrases soignées, des confessions, des prières brûlantes, des âmes de femmes écrivant à la Reine du Ciel ce qu'elles n'osaient dire à un prêtre dans l'ombre du confessionnal. Enfin, une enveloppe, la dernière ouverte, contenait simplement une photographie. Une fillette envoyait son portrait à Notre-Dame de Lourdes avec cette dédicace « À ma bonne mère ». C'était en somme, chaque jour, le courrier d'une reine très puissante qui recevait des suppliques et des confidences et qui devait répondre en grâce, en bienfaits de toutes sortes. Les pièces de 10 sous, les pièces de 20 sous étaient, naïvement, un simple témoignage d'amour pour la fléchir. Et quant au timbre-poste, il ne devait être qu'une commodité facilitant l'envoi d'argent. À moins qu'ils ne fussent une pure innocence, comme dans la lettre d'une paysanne qui avait ajouté un post-scriptum pour dire qu'elle ajoutait un timbre et qu'elle attendait la réponse. « Je vous assure, conclut le baron, il y en a de très gentilles, de moins bêtes qu'on ne croirait. Pendant 3 ans, j'ai trouvé les lettres très intéressantes d'une dame qui ne faisait rien sans la raconter à la Sainte Vierge. C'était une dame mariée et elle éprouvait la plus dangereuse passion pour un ami de son mari. Eh bien, monsieur l'abbé, elle a triomphé. La Sainte Vierge lui a répondu en lui envoyant l'armure de sa chasteté, la force toute divine de résister à son cœur. » Il s'interrompit pour dire « Mais venez donc vous asseoir ici, monsieur l'abbé, vous verrez comme on est bien. » Pierre alla se mettre près de lui, sur le banc, à gauche, à l'endroit où le rocher s'abaissait. Il y avait là, en effet, un coin de délicieux repos, et ni l'un ni l'autre ne parlait plus, un profond silence régnait, lorsqu'il entendit, derrière son dos, un murmure indistinct, une légère voix de cristal qui semblait venir de l'invisible. Il eut un mouvement que le baron Suir comprit. « C'est la source que vous entendez. Elle est dans le sol, derrière ce grillage. Voulez-vous la voir ?» Et sans attendre que Pierre acceptât, il s'était déjà baissé pour ouvrir un des panneaux qui la protégeait, en faisant observer que, si on la fermait ainsi, c'était de crainte que les libres penseurs ne vinssent jeter du poison dedans. Cette imagination extraordinaire stupéfia un instant le prêtre. Mais il finit par la mettre au compte du baron, qui avait en vérité beaucoup d'enfance. Cependant, celui-ci se battait en vain avec le cadenas à lettres qui ne voulait pas céder. « C'est singulier, » murmurait-il. « Le mot est Rome, et je suis bien certain qu'on ne l'a pas changé. L'humidité pourrit tout. Nous sommes obligés de remplacer, au bout de 2 ans, les béquilles là-haut qui tombent en poussière. Apportez-moi donc un cierge. » Lorsque Pierre l'eut éclairé avec un cierge qu'il avait pris à une des herses, il réussit enfin à ouvrir le cadenas de cuivre mangé de vers de gris. Et le panneau grillagé tourna, et la source apparut. C'était dans une faille de la roche, sur un fond de gravier boueux, une eau lente qui sortait limpide, sans bouillonnement. Mais elle paraissait venir sur une assez large étendue. Le baron expliquait que, pour la conduire aux fontaines, on l'avait canalisée dans des tuyaux recouverts de ciment. Mais il avouait que, derrière les piscines, on avait dû creuser un réservoir afin d'amasser l'eau pendant la nuit, car le faible débit de la source n'aurait pas suffi aux besoins journaliers. « Voulez-vous la goûter ? » offrit-il brusquement. « Elle est encore meilleure ici, à sa sortie de terre. » Pierre ne répondait pas, regardait cette eau tranquille, cette eau innocente, qui se moirait de reflets d'or sous la lumière vacillante du cierge. Des gouttes de cire tombaient, l'animaient d'un frémissement. Et il songeait à tout ce qu'elle apportait de mystère du flanc lointain des montagnes. « Buvez-en donc un verre !» Le baron avait rempli, en le plongeant, un verre qui se trouvait toujours là, et le prêtre dut le vider. C'était de la bonne eau pure, de cette eau transparente et fraîche qui ruisselle de tous les hauts plateaux des Pyrénées. Le cadenas remis, tous deux reprirent leur place sur le banc de chêne. Derrière lui, par moments, Pierre continuait à entendre la source avec son petit gazouillement d'oiseau caché. Et maintenant, le baron lui parlait de la grotte, par toutes les saisons, par tous les temps, dans un bavardage attendri, plein de détails puérils. L'été, ce n'était que la saison brutale, les foules foraines des grands pèlerinages, la ferveur bruyante des milliers de pèlerins accourus, priant et criant à la fois. Mais dès l'automne tombaient les pluies diluviennes qui battaient le seuil de la grotte pendant de longs jours. Et alors venaient les pèlerinages lointains, des Indiens, des Malais, jusqu'à des Chinois, de petites troupes silencieuses et extatiques qui s'agenouillaient dans la boue sur un signe des missionnaires. En France, de toutes les anciennes provinces, la Bretagne envoyait les pèlerins les plus dévots, des paroisses entières où les hommes étaient aussi nombreux que les femmes, et dont la bonne tenue pieuse, la foi simple et décente, était faite pour édifier le monde. Puis c'était l'hiver, décembre, avec ses froids terribles, ses épaisses tombées de neige barrant les montagnes. Des familles prenaient alors leur quartier au fond des hôtels déserts. Des fidèles se rendaient quand même chaque matin à la grotte, tous les amants du silence, désireux de parler à la Vierge, dans la tendre intimité de la solitude. Il en était ainsi quelques-uns que personne ne connaissait, qui se montraient dès qu'ils étaient les seuls à se prosterner et à aimer, comme des amants jaloux, puis qui repartaient effarouchés à la première menace de foule. Et quelle douceur par un mauvais temps d'hiver! Par la pluie, par le vent, par la neige, la grotte gardait son flamboiement. Même durant les nuits d'enragée tempête, lorsque pas une âme n'était là, elle incendiait les ténèbres vides. Elle brûlait comme un brasier d'amour que rien ne pouvait éteindre. Le baron racontait que pendant les grandes neiges de l'hiver précédent, il y était venu passer des après-midi entières, à cette place, sur ce banc où il était assis. Il y régnait une chaleur douce, bien qu'elle fût tournée au nord et que jamais le soleil n'y pénétrât. Sans doute, la roche continuellement chauffée par les cierges expliquait cette bonne tiédeur. Mais ne pouvait-on croire, en outre, à un bienfait charmant de la Vierge qui faisait régner là un avril éternel? Aussi, les petits oiseaux ne s'y trompaient pas. Tous les pinsons du voisinage, quand la neige glaçait leurs pattes, s'y réfugiaient, voletaient dans le lierre autour de la statue sainte. Et c'était enfin le réveil du printemps, le gave roulant avec un fracas de tonnerre les neiges fondues, les arbres reverdissant sous la poussée de la sève, tandis que les foules, de retour, envahissaient bruyamment la grotte étincelante, dont elles chassaient les petits oiseaux du ciel. Oui, oui, répétait le baron Suire d'une voix ralentie. J'ai passé ici, tout seul, des journées d'hiver adorables. Je ne voyais qu'une femme qui s'agenouillait là, contre la grille, pour ne pas mettre ses genoux dans la neige. Elle était très jeune, 25 ans peut-être, et très jolie, une brune avec des yeux bleus magnifiques. Elle ne disait rien, elle ne paraissait même pas prier. Elle restait ainsi pendant des heures, d'un air infiniment triste. Je ne sais qui elle était. Jamais je ne l'ai revue. Il cessa de parler. Et 2 minutes plus tard, comme Pierre le regardait, étonné de son silence, il s'aperçut qu'il s'était endormi. Les mains jointes sur le ventre, le menton contre la poitrine, il dormait, avec un vague sourire d'un bon sommeil d'enfant. Sans doute, quand il disait qu'il passait la nuit là, il voulait dire qu'il venait y faire un premier somme de vieil homme heureux, visité par les anges. Et Pierre, alors, goûta la charmante solitude. C'était bien vrai, cette douceur qui pénétrait l'âme dans ce coin de roche. Elle était faite de l'odeur un peu étouffante de la cire, de l'éblouissement d'extase où l'on tombait au milieu de la splendeur des cierges. Il ne distinguait plus nettement ni les béquilles de la voûte, ni les ex-voto pendus aux parois, ni l'autel d'argent gravé, ni l'orgue harmonium dans sa housse. Une ivresse lente le prenait, un anéantissement croissant de tout son être. Et il avait surtout la sensation divine d'être loin du monde vivant, au fond de l'incroyable et du surhumain, comme si la simple grille de fer fût devenue la barrière même de l'infini. Un petit bruit à la gauche de Pierre l'inquiéta. C'était la source qui coulait toujours avec son gazouillement d'oiseau. Ah, qu'il aurait voulu tomber à genoux et croire au miracle, et avoir la certitude têtue que cette eau divine n'avait jailli de la roche que pour la guérison de l'humanité souffrante. N'était-il pas venu pour se prosterner, pour implorer la Vierge de lui rendre la foi des petits-enfants? Pourquoi donc ne priait-il pas, ne la suppliait-il pas de lui faire le souverain cadeau de la grâce? Il étouffait davantage, les cierges l'éblouissaient jusqu'au vertige. Et cette pensée le saisit que, depuis 2 jours, dans la grande liberté dont les prêtres jouissaient à Lourdes, il avait négligé de dire sa messe. Il était en état de péché. Peut-être était-ce ce poids qui lui écrasait le cœur. Cela devint en lui une telle souffrance qu'il dut se lever et s'en aller. Il se contenta de repousser doucement la grille, laissant le baron Suire endormi sur le banc. Dans son chariot, Marie n'avait pas bougé, soulevée à demi sur les coudes, la face extasiée, levée vers la Vierge. « Marie, êtes-vous bien? N'avez-vous pas froid ?» Elle ne répondit point. Il lui tâta les mains, les trouva tièdes et douces, agité pourtant d'un petit tremblement. « Ce n'est pas le froid qui vous fait trembler, n'est-ce pas, Marie ?» Elle dit alors, d'une voix légère comme un souffle, « Non, non, laissez-moi, je suis si heureuse, je vais la voir, je le sens. Ah, quel délice !» Alors il remonta un peu le châle et il s'éloigna en pleine nuit, saisi d'un trouble inexprimable. Au sortir des clartés vives de la grotte, c'était une nuit d'encre, un néant de ténèbres dans lequel il roulait au hasard. Puis ses yeux s'habituèrent, il se retrouva près du gave, il en suivit le bord, une allée ombragée de grands arbres, où l'obscurité fraîche recommençait. Cela le soulageait maintenant, cette ombre, cette fraîcheur si charmante. Et il n'éprouvait plus qu'une surprise, celle de ne s'être pas agenouillé, de n'avoir pas prié, comme Marie priait elle-même, avec tout l'abandon de son âme. Quel était donc l'obstacle en lui? D'où venait l'irrésistible révolte qui l'empêchait de se laisser glisser à la fois, même lorsque son être surmené, obsédé, souhaitait l'abandon? Il entendait bien que sa raison seule protestait. Et il se trouvait dans une heure où il aurait voulu la tuer, cette raison vorace qui mangeait sa vie, qui l'empêchait d'être heureux, du bonheur des ignorants et des simples. Peut-être, s'il avait vu un miracle, aurait-il eu la volonté de croire? Par exemple, si Marie s'était levée tout d'un coup et avait marché devant lui, ne se serait-il pas prosterné, vaincu enfin? Cette image qu'il se faisait de Marie sauvée, de Marie guérie, l'émotionna à un tel point qu'il s'arrêta, les bras tremblants et levés vers le ciel criblé d'étoiles. Ah, grand Dieu, quelle belle nuit profonde et mystérieuse, embaumée et légère, et quelle joie pleuvait dans cet espoir de l'éternelle santé revenue, de l'éternel amour, renaissant à l'infini comme le printemps. Puis il marcha encore, suivit l'allée jusqu'au bout. Mais ses doutes recommençaient. Quand on exige un miracle pour croire, c'est qu'on est incapable de croire. Dieu n'a pas à faire la preuve de son existence. Il était aussi repris de malaise, à la pensée que, tant qu'il n'aurait pas fait son devoir de prêtre, en disant sa messe, Dieu ne l'écouterait point. Pourquoi n'allait-il pas tout de suite à l'église du Rosaire, dont les autels, de minuit à midi, restaient à la disposition des prêtres de passage? Et il redescendit par une autre allée, se retrouva sous les arbres, dans le coin de feuillage, d'où il avait vu avec Marie passer la procession au flambeau. Plus une clarté, une mer d'ombre sans bornes. Là, Pierre eut une nouvelle défaillance, et il entra machinalement à l'abri des pèlerins, comme s'il avait voulu gagner du temps. La porte restait grande ouverte, sans aérer suffisamment la vaste salle, pleine de monde. Dès les premiers pas, il fut frappé au visage par la lourde chaleur des corps entassés, par l'odeur épaisse et gâtée des haleines et des transpirations. Les lanternes fumeuses éclairaient si mal qu'il dut prendre garde de ne pas marcher sur des membres épars, car l'encombrement était extraordinaire. Beaucoup de gens qui n'avaient pu trouver de place sur les bancs s'étaient allongés sur les dalles humides, souillés de crachats et de détritus depuis le matin. Et il y avait là une promiscuité sans nom, des hommes, des femmes, des prêtres, couchés pêle-mêle, roulés au hasard, culbutés dans le coup de fatigue qui les terrassait, la bouche ouverte, anéantis. Un grand nombre ronflait assis, le dos à la muraille, la tête ballante sur la poitrine. D'autres étaient tombés, les jambes se mêlaient. Une jeune fille gisait en travers d'un vieux curé de campagne, dont le calme sommeil d'enfant riait aux anges. C'étaient l'étable, les pauvres de la route, entrés et fêtant le logis de hasard. Tous ceux qui n'avaient pas de chez eux, par ce beau soir de fête, et qui étaient venus s'échouer là, fraternellement endormis aux bras les uns des autres. Quelques-uns pourtant ne trouvaient pas de repos, dans l'excitation de leur fièvre, se retournaient, se relevaient pour achever les provisions de leur panier. On en apercevait d'immobiles, les yeux grands ouverts, fixés sur l'ombre. Parmi les ronflements, des cris de rêve, des plaintes de souffrance éclataient. Et une grande pitié, une sourde pitié d'angoisse, montait de ce troupeau de misérables, écroulés en tas, dans le dégoût de leurs guenilles, tandis que, sans doute, leurs petites âmes blanches voyageaient ailleurs, au pays bleu de leurs rêves mystiques.